terre, je suis là assis. Je parle aux pierres, je n'ai plus d'amis. Dans mon village, les vieux me tiennent compagnie. Le temps passe, et moi je croupis. Et moi je croupis. La misère règne chez moi, j'ai la richesse à portée de bras. Question à la métropole, le vent, les stats, ça est-il chez toi? Le vent, les stats, ça est-il chez toi? Métropole, le vent, les sables, ça est-il chez toi? Le vent, les sables, ça est-il chez toi? Tous les jeunes ont quitté le pays. Cherche une qualité de vie. Ils font les allers-retours gratuits. On appelle ça être expulsé ici. On appelle ça être expulsé ici. La misère règne chez moi, j'ai la richesse à portée de bras. Question à la métropole, le vent, les sables, ça est-il chez toi? Le vent, les sables, ça est-il chez toi? Métropole, le vent, les sables, ça est-il chez toi? Le vent, les sables, ça est-il chez toi? J'ai envie cette richesse, moi aussi. Je tenterai ma chance dès que possible. La vie ne peut être plus pourrie qu'ici. Les vieux, mais les pierres jolies, jolies, jolies. Question à la métropole, le vent, les sables. Ça est-il chez toi? Le vent, les sables, ça est-il chez toi? Question à la métropole, le vent, les sables, ça est-il chez toi? Le vent, les sables, ça est-il chez toi? Question à la métropole, question. Ne vois-tu pas le souffle des hommes?